La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. Bêtes, bêtes. J'ai autre chose à faire que de t'écouter, cogno, tu bosses 8-10 heures te crevant le cul. Tu gagnes rien, rien, il est à toi. Tu veux qu'on te mette un chirago dans ta maison, il surveille, il espionne tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, partout. Tu sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour, et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça? Toi, tu es mieux que je reste dans l'île à rien foutre, hein? Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui le dit. Ok ?